plusieurs autres, l'opéra Pauline en version concert exclusive et de nombreux autres rencontres, événements et spectacles littéraires. Du 8 au 18 octobre, c'est Québec en toutes lettres. Bonsoir. Là, je regardais Bruno, je n'étais pas sûr s'il m'avait ouvert ou non le micro. Vous savez que ce Bruno est un sacré farceur. Moi, mais moi, c'est parce que Bruno, je l'ai plus à lumière rouge. Toi, tu peux le regarder tant que tu veux. On s'agace. Vous savez, on est des... Dans la vie, on est des bons copains. En onde, bon, on s'agace. Donc, bienvenue à Terra Incognita, votre émission de prog... de rock progressif, si vous préférez. Et deux bonnes heures en perspective. Ce soir, bon, on a notamment la petite nouveauté de Fabio Zuventi. En fait, c'est une collaboration, c'est un disque en duo, en termes de composition, avec Stefano Agnini, qui est le claviériste de la Conscienza di Zeno. Et le projet a pour nom La Curva di Lesmo. Donc, ça, c'est ce qu'on écoute en ouverture. Sauf erreur, je pense que ça va être une première, comme c'est souvent le cas dans le cas de ce que M. Zuventi produit. On va avoir aussi Thief Kitchen, de leur plus récent de Clockwork Universe, et bien d'autres choses. Donc, installez-vous bien confortablement. On a deux bonnes heures de musique pour vous. Et on commence avec M. Zuventi et M. Agnini, La Curva di Lesmo. Soffocati fra le pagine ingiallite. Sì, sì.

An aberration in the perfect sense. was flawless. Rui Lopez hides the truth. That she was ransomed to the ruthless turn of progress for her youth. That she's a conscript, but she's a clockwork angel resting on the chessboard, waiting for her move. She's unappreciated, but so underestimated. Slowly to her shoulders, like their expectation only sinking now. Shining like the gold shoes on the wall, where the gold begins to tarnish. Their expectation only shrinking now. Life. the first condition of a world about to cease. Subtleties of creativity, distorted mind of the outcast, ain't got no need for philosophy. Such a fragment of the past, and so we sleep for a thousand years. We lay, we dream, the end of logic's here. This cette soirée vous est présentée par La Barberie. ce qu'on a entendu il y a quelques instants, à peine 5 secondes. C'est une petite nouveauté en provenance de Québec, ici, ben oui, ici même. Le groupe a pour nom Hill Ward et le disque, c'est... attendez un peu, vous me connaissez, j'ai de la misère à me lire. Flies in Amberstone. Le groupe sort d'ailleurs à La Source le 24 octobre en concert. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur le groupe, nous, on va en faire jouer encore dans les prochaines émissions. Donc, une petite nouveauté de Québec, Hill Ward, et le disque Flies in Amberstones. Et avant ça, ça nous venait de Finlande, Uminoita, All is Two, un peu space rock, pas mal space rock même. Et puis, on avait aussi Thief Kitchen, de leur plus récent, de Clockwork Universe. Thief Kitchen, ben, une formation britannico-suédoise, parce que maintenant, il y a des musiciens d'origine et britannique, et deux membres de Angle à Garde, Thomas Johnson et Anna Holgren. Donc, ils font des petites rencontres de temps à autre, et puis ben, c'est ça. Là, donc ça nous donne ce résultat de Clockwork Universe, c'est un de leurs bons disques. La pièce qu'on a entendue, on pouvait voir un peu là, les influences de Yes, mais je vous dirais que dans l'ensemble, moi je trouve que ça sent le bon Hatfield and the North des années 70. C'est vraiment très bon, Thief Kitchen. Et puis on avait amorcé avec La Curva di Lesmo de M. Fabio Suventi et Stefano Agnini. On va en avoir un autre extrait là, d'ici la fin. C'est vraiment une belle petite découverte, mais en fait découverte plutôt, une belle nouveauté italienne. C'est pas qu'on en manque, mais on est toujours partant pour en avoir plus. Donc, on va en entendre un peu plus d'ailleurs, c'est ça, d'ici la fin de l'émission. On continue, on va aller de ce côté. Du côté encore de l'Europe avec cette fois-ci un groupe belge, Quantum Fante. C'est leur nouveauté, Dancing in Limbo. Un peu dans la lignée, vous allez voir, un peu dans la lignée de Osric Tentacles. Le temps de vous rappeler que c'est Terrain Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit et évidemment, c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Thank you. meet anyone along the ledge out in the light. And we can only go so far. How can we know just what we are? All we're told is not to see. Let's folklia volge, la gente presa in giro è ostaggio di vampiri e l'uomo che si oppone è visto come un... Cette soirée vous est présentée par La Barberie. CKRL 89.1. Pour son édition d'automne, la revue Planche sort ses couleurs. Sous la couverture de Richard Suicide, Simon Labelle surprend par son humour acide et Martin PM offre un récit très recherché sur les rapports entre la politique et les caribous. Pour cette cinquième parution, une nouvelle rubrique voit le jour. Sur l'autre feuille, explore les carnets de croquis de certains auteurs pour offrir un regard nouveau sur leur travail. Pour l'inaugurer, Jimmy Beaulieu dévoile une partie de ce qui lui passe par la tête. La revue Planche, en kiosque dès maintenant. La 25e édition des Rendez-vous Estrades du 8 au 12 octobre dans le quartier Petit-Champlain. Plus de 50 artistes porteurs de traditions dont Michel Faubert, Bottine 82, Rêve du Diable, Manigance, Les Bretons Gaël Lefebvre et Nicolas Kemner et bien d'autres. 5 jours de musique, de chansons, de danse et d'ateliers avec une grande soirée de retrouvailles et des lancements d'albums. Toute la programmation sur estrade.qc.ca. Un festival qui vous fera découvrir les aspects contemporains et actuels des musiques traditionnelles d'ici et d'ailleurs. Vous êtes détenteur d'une carte de membre de CKRL? Obtenez 15% de rabais chez Vap Classique au 3136 Chemin Royal, Québec. Vapclassique.com. Choisissez l'alternative au tabac. Choisissez Vap Classique. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. À Québec, après avoir présenté leur plus récent album Rond-Point à travers le Québec et en Europe. Ne manquez pas votre chance d'assister au spectacle le 23 octobre au Cercle. Billets en vente chez Le Knockout, à la billetterie du Cercle et en ligne au pointdevente.com. Et de retour. Donc, on a eu l'occasion d'entendre un petit bout de Delirium, Les Rats de la Manzogna. Tout juste avant, on avait un groupe canadien qui est pas très connu, mais moi, j'ai découvert récemment que j'adore, le Monarch Trail. C'est le groupe avec beaucoup de claviers qu'on a entendu. L'album s'appelle Sky. Et on avait débuté le tout avec Quantum Fante, le disque Dancing in Limbo. Oui, c'est vrai, avant que je l'oublie, s'il y a des personnes qui sont intéressées à aller voir le spectacle de Big Time, le groupe hommage à Peter Gabriel, le spectacle a lieu samedi prochain au Cercle. On a une paire de billets, donc vous pouvez vous la procurer en appelant au 418-640-1586. 418-640-1586. Une paire de billets pour Big Time, le spectacle hommage à Peter Gabriel, le 17 octobre, donc samedi prochain. On continue, on revient de notre côté, avec le nouveau disque de Vinnie Moore, Aerial Vision. Et c'est notre dernière heure, en fait notre seconde. Et puis, on a encore plein de bonne musique. Et puis, pour ceux qui nous ont pris dès le début, dans la dernière demi-heure, on va revenir avec la nouveauté de Fabio Zuventi, La Curva des Lesmos. C'est évidemment Terrain Incognita avec Bruno et Michel. On est avec vous jusqu'à minuit. Et c'est sur les ondes de CKRL 89.1. Thank you. vivre a molti zeri bagni letto, ma c'è qualcuno che sa già le tue formule. C'è il tuo clone onnipresente, ha studiato gli ingredienti, le promesse e le battute sono le stesse rivedute, le tre carte sa come muoverle per poi farsi credere, farsi credere, farsi credere. Thank you. It's funny how people won't get it right. Day and night, they forget the light that shines on the mind that is silently swimming through mystery. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. De retour donc avec ce qu'on a entendu il y a quelques secondes, c'était Vlaï, une formation, comment je pourrais dire, multinationale, tiens, chercher, avec des musiciens suédois, italiens et britanniques, de leur premier essai, High Time. On avait aussi Delirium, le groupe italien L'Era della Manzogne. Et puis, ça nous venait de Norvège, Ice Cycles, Music for Wasteland. Et on avait donné le coup d'envoi avec Vinnie Moore, Aerial Vision. Dernière demi-heure, et on tient nos promesses, nous, donc. Pour la dernière demi-heure, on amorce avec la nouveauté de Fabio Zuventi, une seconde pièce. On ne la fera pas jouer au complet, c'est quasiment une demi-heure, mais on va en faire jouer un bon bout. Donc, le disque s'appelle La Curva di Lesmo, et c'est aussi le titre, le nom du groupe, La Curva di Lesmo, avec Fabio Zuventi, Stefano Agnini. Et il y a plusieurs invités italiens, dont Luca Scarani, qui est claviériste pour la Coscienza di Zeno, et puis qui est aussi claviériste arrangeur pour Fabio Zuventi. Et puis, je pense que je l'ai déjà dit, là, en écoutant la Coscienza di Zeno, un de ces samedis, c'est que M. Scarani a apporté beaucoup à la Coscienza pour leur deuxième disque. Je trouve qu'il y a beaucoup de... On voit le travail là, des arrangements, ça fait une petite coche au-dessus du premier grâce à M. Scarani. Et puis, beaucoup d'autres là, que je connais moins, là, invités italiens, puis probablement plus local, dans le sens de... Ils viennent pas juste du monde du prog, mais de toutes sortes de styles musicaux. Ça, c'est, Fabio aime beaucoup ça, là, inviter des gens qui sont pas nécessairement des musiciens prog. Et puis, ben, c'est le cas avec ça, La Curva di Lesmo. Donc, on écoute un bon extrait de ce disque qui va être disponible à partir du 15 octobre, donc bientôt. Et puis, ben, on aura autre chose, évidemment, puis on vous revient avant l'autoroute, ça, c'est sûr. Quando mi libro dal corpo esploro, si generano mostri voraci. Mi rilascio e mi trascina il vortice, l'inconscio mi sommerge. Sento i passi affrettati di uomini, forse mai esistiti, forse già. Und Abend, blaues Wild, das unter Bäumen tönt, einsamer Weiher am Abend. Leise der Flug der Vögel tönt, die Schwermut über deinen Augenbogen, dein schmales Lächeln tönt. Gott hat deine Lieder verbogen, Sterne suchen nachts, Karfreitagskind, deinen Stirnbogen. tramonti fra calma mi fuggire temperate da una speranza infranta. Frangibile idea, le burne dita ballavano sulle risonanze spente, con liquide scale virtuose si scioglievano in labili arpeggi, trappeggiavi e arabescavi, richiamavi le dolci appoggiature, mordevi, acciaccavi, trillavi le dinamiche di agonia agogiche. Non ti aspettavi che all'improvviso anacrusi, sincubi e contrattempi ti avrebbero vista declinare triste verso una fine prematura e subita. Luce fioca dicono che ho il cuore di pietra. Thank you. Hey, la preuve que le prod vieillit bien, ça, c'est, ça date de 1974, et c'est québécois. Le match, ça, j'ai sorti ça de mes, j'ai fouillé dans mes vinyles aujourd'hui, là, puis je me suis dit, tiens, ça, ça fait longtemps. Le disque a pour titre Légende. C'est le seul disque à ma connaissance de ce groupe-là. Puis, est-ce qu'il y a des musiciens connus? Non. Ben, écoute, peut-être que, non, moi, je suis pas capable de relier là, Normand Théroux, Pierre-Yves Migneron, ça me dit non. Écoute, c'est seulement un disque paru sur étiquette Trans-Canada, je pense. Il me semble que c'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Trans-Canada International. Oh, rien de moi. Rien de moi. Ben, c'est Jacques là, qui vous parle. Bonjour. La seconde voix. C'est ça, je l'ai invité parce que dans quelques minutes, c'est l'autoroute. Et ce soir, c'est Jacques qui est au volant. Et puis, ben, je veux juste nommer un peu ce que je. Ben, en fait, ça ne sera pas bien long. Puis après ça, on va pouvoir parler de ce qui s'en vient. En fait, ben, voyez-vous, c'est ça, on a fini avec le match Légende. Et puis avant, ben, on avait un bon extrait de la troisième pièce de La Curva di Lesmo. Le nouveau projet de Fabio Suventi et de Stefano Agnini. Et puis, ben là, qu'est-ce que tu nous réserves t'es dans aussi quelques minutes? T'es aussi déroutant que les noms que tu nommes. Écoute, ça, il a fallu que je me pratique un peu, le Stefano Agnini. Mais c'est plus facile que le nom que j'avais à nommer tantôt, le norvégien. Ben, quand tu tombes dans le norvégien, le polonais ou le hongrois, là, c'est comme. Ouais. Ouais. Mettons que. Tu le dis vite. Là. Non, non. Ouais. Bon, ben oui, qu'est-ce que tu nous réserves pour l'autoroute? C'est sûr que c'est toujours sujet à changement parce qu'il y a les demandes spéciales. Ah, oui. Mais sûrement du Chicago, 1970, live, Carnegie Hall. Tu m'as fait peur. Chicago 18. Mais non, Stay the Night ou quelque chose comme ça, ou okay. Juste pour toi. Okay. Ah, il va y avoir du UK probablement. Du vieux Deep Purple, période des trois premiers albums. Il va y avoir du Max Webster. Yes. Et tu vas rester au prochain micro. Tu vas nous raconter quelques histoires concernant le groupe que tu as vu à l'époque. Oui. Ah, ben là, Bruno, je pense qu'il nous fait signe. Je pense qu'il trouve qu'on parle trop. Bon, ouais. Ben écoutez, c'est déjà le temps de vous laisser. Ben, tu parleras à mon micro après. Bon. C'est qu'on se retrouve de l'autre côté, comme on dit. Et puis, rester des nôtres, donc l'autoroute dans quelques instants. C'était Terre Incognita avec Bruno et Michel. Ben, revenez-nous la semaine prochaine, même heure, même poste. Cette soirée vous a été présentée par La Barberie. Pa-pa-pa-ba-ya! Téléchargez ou réécoutez Terra Incognita sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous au podcast de l'émission sur iTunes. Okay. J'ai essayé de rentrer par effraction. En haut de la porte Saint-Jean, il y avait une porte de secours. On essayait de défoncer. Et c'est là que la police est arrivée en grand nombre. On savait pas que le char était pris dans la salle. Mais là, ils commençaient à checker les affaires, les flics, parce qu'ils savaient que ce beau monde était tout en motésie, puis ça allait tout sortir en même temps, puis foutre le bordel. Fait qu'ils étaient montés sur la porte Saint-Jean. Puis là, quand ils nous ont vus, ben ils sont venus nous chercher, évidemment. On n'avait pas encore réussi à défoncer la porte. Mais moi, en voyant des flics arriver, j'avais du hache sur moi. Fait que. La détrache, c'est ça. Ouais, on sent. C'est sûr. Je pense que tout le monde aura compris. Non, j'ai pris la. Il y a des enfants qui écoutent, quand même. Ah ouais, à cette heure-là, tu penses? C'est certain. Alors, j'avais pris ça, j'avais sorti ça de mes poches, je l'avais tiré en bas de la porte Saint-Jean. Les flics étaient arrivés, ils nous avaient contrôlés, tout ça. Bon, dispersez-vous. Ils nous avaient pas vraiment pogné sur l'effet, mais presque, mais bon, tu sais, on n'avait pas eu le temps de faire notre mauvais. Restez avec nous. Dans un instant, l'autoroute. Finalement, ben, j'avais pas été m'acheter mes billets, puis j'avais mauditement bien fait, parce que c'était le drummer original des Birds, Michael Clark. Il avait ramassé toute une gang de jeunes nobody, puis il avait appelé ça The Birds. Vous écoutez CKRL 89.1. Let me fly away with you for my love.